avril récent. À toi qui rêve d'un flirt avec les anges descend. Un jour t'apprends, un jour tu gagnes, mais t'es jamais perdant. Repas que la vie se pratique avec aisance. Pour qu'on se crache, si on se casse la gueule, mec, c'est qui avril récent. À toi qui rêve d'un flirt avec les anges descend. Un jour t'apprends, un jour tu gagnes, mais t'es jamais perdant. Depuis tout petit, dans la cour, on a défié les codes. Ils nous vendaient du rêve pendant qu'on vendait du shit à l'école. On a bafoué les règles sans mesurer les conséquences. On a tatoué sur les murs les prénoms de ces filles qu'on aimait tant. On s'est laissé porter les bordes et les profs nous bordés. On n'a pas fait les formes, mais mis les formes dans le bureau escorté. Indiscipliné, de pétard à mon m'a viré. Tout seul sur mon radeau, j'ai pris des vagues mais sans chavirer. Une fois que t'as pris ton envol, t'as le noir resté. Tu ressens tout le poids de ces années d'études qui t'ont molesté. Mes places ont mon respect, j'efface les traces que j'ai laissées au fil du temps. Mon cerveau flanche, déclenche un AVC. Car la terre tourne, autant que nos têtes face au regard de ces jeunes filles qui prêtent allégeance à tout homme sans prendre garde. Je m'égare, je cherche la dame de cœur dans mon jeu de cartes afin de parsemer d'amour mon cœur qui se rétracte. Repas que la vie se pratique avec aisance. Pour qu'on se crache, si on se casse la gueule, mec, c'est qui avait une raison. À toi qui rêve d'un flirt avec les anges, descend. Un jour t'apprends, un jour tu gagnes, mais t'es jamais perdant. Repas que la vie se pratique avec aisance. Pour qu'on se crache, si on se casse la gueule, mec, c'est qui avait une raison. À toi qui rêve d'un flirt avec les anges. Un jour t'apprends, un jour tu gagnes, mais t'es jamais perdant. Assis au fond de la classe, les souvenirs s'enchaînent. Visage glacial, submergé par trop de grosses peines. Je me suis construit moi-même, avec un manque maternel. Je regrette rien aujourd'hui, c'est le destin qui me joue des siennes. Je m'enseigne à continuer, à évoluer. Ma vie se résume pas qu'à mettre du shit dans du papier. La jeunesse essouffle, man. C'est pas qu'on bouffe mal, c'est juste qu'il manque une étincelle dans nos vies banales. Les jeunes ont mal, ils en perdent leurs repères. Perdu dans ce brouillard, ouvre tes yeux pour que tout s'éclaire. Si je m'y perds dans mes paroles, je reste toujours sincère, sensible. Face à une jeunesse qu'on prend pour si pas facile d'évoluer, de rester positif. La vie est un combat où chaque plaie reste cicatrice. Réceptif à toute lueur d'espoir, je prends mon mal en patience avant la fin de l'histoire. Repas que la vie se pratique avec aisance. Pour qu'on se crache, si on se casse la gueule, mec, c'est qui avait une raison. À toi qui rêve d'un flirt avec les anges, descend. Un jour t'apprends, un jour tu gagnes, mais t'es jamais perdant. Repas que la vie se pratique avec aisance. Pour qu'on se crache, si on se casse la gueule, mec, c'est qui avait une raison. À toi qui rêve d'un flirt avec les anges, descend. Un jour t'apprends, un jour tu gagnes, mais t'es jamais perdant. Voilà, je me revois il y a quelques années de ça. Petit enfant tranquille en classe, j'ai grandi, maintenant je vois la vie en face. Sache que je croyais que c'était facile, j'y ai cru, j'y ai mis du son. Je me voyais déjà à l'affiche. J'ai vécu des désillusions. J'ai côtoyé des tas de gars tristes avec leur sale manie de rabâcher les peines qu'ils traînent, d'en faire une catharsis. En gros, on connaît tous la misère. Comprends que ça me fatigue face aux problèmes de tout l'univers. Ça devient rébarbatif. Je vais péter mon rétro. Je pourrais plus regarder dedans car j'ai compris qu'il valait mieux regarder devant. J'ai connu l'échec, j'en suis ressorti plus grand. Quand tombent les feuilles, restent toujours les arbres et le vent. Je viens pas faire la morale, là je te dis ça sans me fâcher. Mais ça me garde, je regarde autour de moi et je vois trop de talents gâchés. Le plus dur c'est peut-être d'avancer sans s'entacher. Ouais, sans blague, et je crois que quand tu tombes, y'a toujours un sens caché. Repas que la vie se pratique avec aisance. Pour qu'on se crache, si on se casse la gueule, mec, c'est qui avait une raison. À toi qui rêve d'un flirt avec les anges, descend. Un jour t'apprends, un jour tu gagnes, mais t'es jamais perdant. Repas que la vie se pratique avec aisance. Pour qu'on se crache, si on se casse la gueule, mec, c'est qui avait une raison. À toi qui rêve d'un flirt avec les anges, descend. Un jour t'apprends, un jour tu gagnes, mais t'es jamais perdant.